Au programme de l'agenda des sorties dans la Loire et la Haute-Loire ce week-end du 20 et 21 octobre. La fête de la châtaigne va occuper dimanche les rues de la Tour Montjarret. Près de 50 exposants et artisans proposeront leurs produits gastronomiques, tandis que 5 stands seront consacrés uniquement à la star du jour. Qu'elle soit grillée ou fraîche, la châtaigne se déclinera au fil de la journée, tandis que des animations, jeux et spectacles de rue gratuits seront proposés aux enfants qui pourront par exemple monter à poney. Autre lieu, autre ambiance à Riorges, qui accueille tout le week-end la fête du charolais au scarabée. De la fourche à la fourchette, 360 animaux concourront sur 7000 m² d'exposition agricole. Là aussi, il y aura des animations, des dégustations, mais également une mini-ferme, des balades en calèche et une exposition de machines agricoles anciennes. Dimanche, à Fermigny, c'est le corso de la Vogue des Noix qui animera un centre-ville en ébullition. Après une semaine de fêtes foraines, le traditionnel défilé de chars et Miss Vogue des Noix remonteront à partir de 14h30 la rue Jean Jaurès. La fête du livre et de la nature à la ferme des Seignes, samedi à Panissière, une dictée gourmande au musée des Chelettes à Rouen, samedi à 15h, la 4e biennale du verre à Saint-Just-Saint-Rambert ou encore le salon de la bière artisanale à Espaly-Saint-Marcel en Haute-Loire, autant d'autres propositions de sortie ce week-end à retrouver ainsi que l'agenda complet Loire et Haute-Loire dans le cahier pour sortir de la Tribune Le Progrès ce vendredi.